conducteurs sont arrêtés à un stop. Celui de la voiture rouge veut tourner à droite. Il ne doit pas accorder une confiance totale à l'attitude du conducteur de la camionnette, mais s'assurer par lui-même qu'il peut agir sans se mettre en danger. Donc, il doit attendre que la visibilité soit bonne sur sa gauche avant de tourner à droite. Sinon, il peut se produire ceci. Ce n'est qu'une probabilité, mais c'est celle-là qu'il faut retenir pour éviter un incident ou pire. Réponse B.